Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, la Croix-Rouge ou la naissance d'un mouvement humanitaire organisé. Nous sommes assez fous pour accepter la guerre. Ne pourrions-nous pas au moins être assez sages pour en limiter les horreurs? Si bien organisé que soit le massacre, il n'y a pas que des morts sur le champ de bataille. Il y a aussi des blessés. Soyez avec nous les volontaires d'une guerre pacifique. La guerre à la souffrance. Toute la pensée d'Henri Dunant, le fondateur de la Croix-Rouge, est ici résumée dans cet extrait du film « D'homme à homme » réalisé par Christian Jacques en 1948. C'est Jean-Louis Barrault qui incarne le personnage d'Henri Dunant dans l'extrait qu'on vient d'entendre. Et ce qui est intéressant dans cet extrait, c'est qu'on y perçoit très clairement toute l'indignation d'Henri Dunant face aux horreurs de la guerre et au sort réservé à ses victimes. Et c'est cette indignation qui sera l'étincelle conduisant à la création de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge a été fondée par un homme. Cet homme a eu une idée généreuse, et c'est ça qui est extraordinaire. À l'époque, beaucoup ont cru, ou ont accusé même, ou ont reproché à Dunant son utopisme, ses idées irréalistes. Et bien, quand on voit un siècle plus tard que ces idées ont été adoptés par la totalité de la communauté internationale, que tous les États, pour ainsi dire, ont signé les conventions de Genève, qu'il existe dans tous les pays une société de la Croix-Rouge, du Croissant Rouge ou du Lion et Soleil Rouge, eh bien on peut dire qu'il y a eu là un chemin parcouru qui est extraordinaire et probablement unique dans l'histoire humaine. Une idée généreuse, une utopie devenue réalité, nous dit Alain Mondou de la Fédération internationale de la Croix-Rouge dans cet extrait de l'émission Documents diffusée en 1978 pour faire l'histoire de la Croix-Rouge. Mon invité Jonathan Kuntz, doctorant en droit international de la santé, intervenant humanitaire pour la Croix-Rouge, spécialiste également en droit international humanitaire. Jonathan Kuntz, bonjour. Bonjour. Commençons peut-être par, on a vu dans cet extrait ce qui est devenu, cette idée, cette utopie devenue réalité. Parlons de la réalité, ce que c'est aujourd'hui. En un mot, quand on parle de la Croix-Rouge aujourd'hui, on parle de quoi? On parle de la plus grosse organisation humanitaire au monde, qui a pour but de lutter contre toutes les souffrances. Donc elle peut faire autant apporter des soins médicaux que protéger le droit humanitaire, protéger les civils ou les non-combattants, donc anciens militaires, blessés, etc., sur le champ de bataille. Y compris apporter de la nourriture, comme nous avons pu le voir en Syrie notamment, et finalement répondre à tous les besoins vitaux des populations qui connaissent des catastrophes naturelles, comme le tremblement de terre en Haïti, le tsunami en Asie du Sud-Est, ou des situations de crise ou de guerre, comme la guerre en Syrie notamment. Ouais. Une organisation qui a un grand avantage d'être vraiment, c'est probablement l'organisation humanitaire qui est la plus présente. Elle est partout dans le monde, cette organisation. Elle est partout dans le monde, oui. Il y a une société nationale par pays, bon, sauf les pays les plus récents comme le Sud-Soudan, mais elle est partout sur Terre, connue sous Croix-Rouge ou Croissant Rouge. À l'origine, donc, on l'évoquait au tout début de l'émission avec les extraits qu'on a entendus, la Croix-Rouge, c'est l'idée d'un homme, Henri Dunant. Présentez-nous-le, qui est-il, Henri Dunant? Donc, Henri Dunant, c'était un homme d'affaires suisse qui était venu pour essayer d'acheter des moulins et faire fructifier ses champs. Il a besoin de financement, donc il a été chercher l'empereur Napoléon III. Et il a appris que l'empereur était en guerre dans le nord de l'Italie, puis il était donc sur le champ de bataille pour rencontrer Napoléon. Là, il arrive à Solferino en 1859, puis il voit une bataille entre Français et Autrichiens. Et ce qui le traumatise, c'est de voir que les militaires se battent, les armées sont flamboyantes dans leurs beaux uniformes, mais il n'y a aucun service de santé des armées. Les gens sont en train de mourir par terre, sont en train de saigner, les blessés, personne ne s'en occupe. Et là, il voit même derrière des prisonniers qui sont à battre, parce qu'il y a des rumeurs, par exemple, on accusait les Hongrois de manger des enfants, donc les soldats français tuaient les Hongrois parce qu'ils avaient peur. Notamment, donc vous avez un livre qui est Souvenirs de Solferino où il raconte tout ça en détail. Et là, Henri Dunant, donc en voyant des prisonniers, donc des gens qui se battaient pour l'honneur de leur empereur, pour récupérer le nord de l'Italie ou défendre l'Italie, en train de mourir, ils ont sacrifié leur vie, ils ont sacrifié leur temps pour ça, personne ne s'occupait d'eux, donc du coup, il a décidé d'aller voir les Italiens, qui étaient donc au village de Solferino, et de dire on ne peut pas laisser mourir ces gens qui se battent pour vous. Du moins, on ne peut pas laisser mourir seuls. Donc au début, leur acte était très simple, c'était venir chercher les blessés, venir chercher les mourants et leur apporter un peu d'humanité dans leurs derniers instants. Donc c'était un acte très simple, avec les moyens du bord de l'époque, mais c'est comme ça qu'est venue l'idée d'Henri Dunant, sur ces cauchemars-là que l'on dit on ne peut pas laisser des gens mourir, On ne peut pas laisser des militaires mourir sans soins, sans humanisme derrière. Ça, c'est l'étincelle de départ qui donnera naissance à la Croix-Rouge, cet homme d'affaires qui est là et qui voit cette horreur. Écoutez là-dessus Jean Pascali de la Radio Suisse Romande. Il en parle très, très bien. C'est, on n'a pas idée, mais vous allez entendre quelques chiffres, ce que c'était chiffré, je dirais, cette horreur de Solferino. Jean Pascali à l'émission Aux 20 heures en 1974. Il y a eu une bataille extrêmement sanglante où qui mettait en présence 350 000 hommes et qui, en 15 heures de bataille, a fait 40 000 morts et blessés. Et des blessés qui n'étaient pratiquement pas secourus. Il n'y avait pratiquement pas à cette époque, il n'y avait plus à cette époque de services sanitaires de santé qui pouvaient aider ces gens. Des blessés sont restés jusqu'à une semaine sur le champ de bataille. Et c'est là précisément que Henri Dunant, ce citoyen genevois, qui était là-bas absolument pas pour des questions politiques ou militaires, s'est trouvé en face de cette situation. Il a vu ces 40 000 morts et blessés sans secours et il a été effectivement bouleversé par ce qu'il a vu. Et alors ce bouleversement d'Henri Dunant, Jonathan Kuntz, cette indignation, au fond, cette pulsion qui débouchera sur la naissance de la Croix-Rouge, comment ça va se faire? Comment va s'organiser la naissance de la Croix-Rouge après ce choc, cette leçon de Solferino? Donc Henri Dunant a une idée très simple. Il va écrire un livre, donc Souvenirs de Solferino. Ce livre, il va écrire dedans tout ce qu'il a vu et tout ce qui l'a choqué. Donc si vous le lisez, vous allez voir, ça permet de sortir des statistiques de 40 000 morts. Ça permet de vraiment vivre et de sentir qu'est-ce qu'on peut voir. Donc là, il y a un côté humain qui sort du côté chiffré. Une fois que ce livre est écrit, il va décider de l'envoyer à tous les généraux d'Europe, à tous les chefs d'État, à tous les ministres, à tous les politiciens d'Europe. C'est comme ça que ça part. Là, il y a un groupe donc, d'anciens généraux, d'anciens colonels, en fait un groupe de 5 personnes à Genève, lui compris, qui vont se décider de créer ce qui va devenir le CICR, donc le Comité International, qui va devenir plus tard. Donc en 64, ils vont décider de créer finalement la première convention de Genève, et ils vont décider de créer le premier acte humanitaire de la Croix-Rouge, en fait le premier acte, la première structure. Là, nous allons nous retrouver avec des guerres entre finalement ce qui deviendrait l'Allemagne et le Danemark, entre ce qui deviendrait l'Allemagne et l'Autriche, entre ce qui deviendrait l'Allemagne, donc la Prusse et la France, pendant les 20 années qui vont suivre cette convention-là. Ouais. Et là, on voit que finalement, les Allemands l'ont respecté à la lettre, ils étaient assez relativement bien organisés. Les Français ont un peu plus de mal à l'organiser, puisqu'en même temps qu'il y a eu la guerre, il y a eu une guerre civile en France, donc guerre internationale et guerre civile sous Napoléon III. Mais là, on a vu finalement l'utilité de la Croix-Rouge. Les généraux, les chefs d'État, eux, s'organisaient purement à faire la guerre, faire des plans de bataille. Et derrière, les soldats, ça rassure jamais de savoir qu'on peut se faire blesser ou qu'on peut se faire tuer, mais il y avait un réel support qui était apporté aux soldats derrière. Tout de suite après, donc, la Croix-Rouge entre en action sur les champs de bataille après cette Convention de Genève. Directement, oui. Qui dit quoi en un mot, cette Convention de Genève? Parce que tout est là déjà, les bases, les principales bases sont posées. Ensemble, cette Convention de Genève, la première base que ça pose, c'est un soldat blessé, il faut s'en occuper, il ne faut pas le laisser mourir. Donc au début, c'est très simple, nous n'avons pas le droit humanitaire comme nous l'avons aujourd'hui. Au début, c'est nous devons soigner les blessés. En somme, c'est la première idée qui a été posée. Donc comme je vous l'ai dit, la Croix-Rouge s'est commencée de manière assez modeste, apporter de l'humanisme, apporter du réconfort et soigner les blessés. Finalement, c'est parti comme ça, nous avons créé des sociétés nationales. Si je prends l'exemple de la Croix-Rouge française, elle a été créée et 2 ans et demi après sa création, il y a la guerre chez elle. Et donc là, la Croix-Rouge a dû organiser les services de soins pour les militaires et accessoirement pour les civils à côté. Le sigle, cette fameuse croix rouge sur un fond blanc, comment on en arrive à ce sigle-là? Alors, en fonction des sources que vous allez prendre, vous allez avoir plusieurs légendes ou plusieurs théories. La théorie la plus commune ou la plus communément acceptée, c'est que c'est le drapeau suisse à l'envers. Donc le drapeau suisse, c'est une croix blanche sur fond rouge. Là, c'est une croix rouge sur fond blanc. Une autre théorie que j'ai entendue dans d'autres sociétés nationales de la Croix-Rouge, c'est que c'est le symbole le plus facile à faire. Vous êtes blessé, avoir un bout de tissu blanc, c'est assez facile. Vous trempez votre doigt dans votre sang, puis vous faites une croix. C'est très facile à faire. Venez me secourir. Venez me secourir. Ouais. Le symbole de la Croix-Rouge, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas religieux. Ça n'a aucun caractère religieux. Donc, par exemple, si on prend le plus grand pays musulman au monde, l'Indonésie, a une Croix-Rouge. Les pays musulmans, ou à tradition culture musulmane, ont pris un croissant rouge. Pour une raison purement culturelle, c'était l'Empire ottoman, la Turquie, qui a décidé d'adopter le croissant rouge parce que quand les gens dans les campagnes voyaient des gens se balader avec une longue tunique blanche et une croix rouge, de manière culturelle, ça faisait penser aux croisés. Mmh. Et afin que les populations acceptent plus facilement les aides de la croix rouge, ils ont demandé à ce qu'il y ait une convention internationale, une réunion internationale pour changer la croix rouge en croissant rouge comme je vous dis, non pas pour des raisons religieuses, mais pour des raisons culturelles, et qui disent pas, mince, il y a un croisé qui arrive, qui va me charcuter ou me tirer dessus. Les sensibilités, c'est les questions qui sont importantes, ce n'est pas qu'anecdotique, c'est certain. Donc, dès le départ, après cette adoption de la Convention de Genève, la Croix-Rouge qui va être confrontée à différentes guerres, il y aura la Grande Guerre de 14-18, la Première Grande Guerre, et puis la paix, l'armistice, avec cet espoir d'un monde sans guerre, d'une période de paix qui s'en vient. Ça se passera pas tout à fait comme ça, mais qu'est-ce que ça veut dire pour la Croix-Rouge, dans un premier temps, l'après-Première Grande Guerre, où on est supposément dans un monde de paix? Alors, première chose, ça permet d'avoir un moment de recul pour faire un post-mortem, pour réfléchir sur qu'est-ce qui s'est passé. La Première Guerre mondiale, c'est la première guerre totale, d'un point de vue militaire, industriel, humain. Donc là, la Croix-Rouge, ça lui permet de faire un premier bilan, puis il voit que faire les services de santé, c'est bien, mais il manque quelque chose, s'occuper des prisonniers. Donc, dès les années 1919 et les années 20, on commence à mettre en place un service pour aller voir les prisonniers de guerre. Deuxième chose, ça paraît que les sociétés nationales de la Croix-Rouge vont se voir attribuer d'autres missions. Imaginez la guerre, donc ce sont des tranches d'âge entières qui sont parties à la guerre, entre 18 et 40 ans. Donc, les usines devaient continuer à tourner. Nous avons pris des femmes qui sont parties dans les usines ou dans les champs. Mais derrière, des pans entiers de l'administration se sont écroulés. Les écoles, la santé, etc., etc. Et donc, plusieurs sociétés nationales de la Croix-Rouge ont suppléer l'État dans ces domaines-là, en termes de santé, en termes d'éducation, en termes de services sociaux. C'est pour ça que certaines Croix-Rouges européennes vont avoir des services sociaux très poussés. Deuxième point, donc la paix, c'était une utopie, on pensait avoir la paix. Et là, la Croix-Rouge a vu des guerres, notamment les conquêtes italiennes en Afrique, où là, la Croix-Rouge est venue sur le terrain voir comment ça se passait, puis voir que malgré la création d'un symbole qui est donc une Croix-Rouge, malgré une convention de Genève qui dit qu'il faut protéger tous les services de santé, il y a des bombardements sur ce qu'on appelait les ambulances. Les ambulances, c'était des groupes de médecins ambulants. Donc, c'était, imagine, une centaine de personnes qui partaient d'un point A à un point B pour suivre les combats, aider les populations. Donc là, vous avez un ouvrage de la Croix-Rouge qui s'appelle « Le troisième combattant », qui permet de vraiment illustrer, donc comme un peu le souvenir de Solferino de M. Henri Dunant, qui permet d'illustrer les difficultés et le côté aventurier qu'a eu la Croix-Rouge. Donc là, c'était la découverte de l'Afrique, c'était aller dans les nouvelles guerres coloniales. C'était aller aussi dans des guerres en Amérique latine, c'était aussi découvrir des guerres maritimes, et c'était quitter le cadre purement européen pour voir que le monde est immense et que les traditions et les façons de faire la guerre sont immenses. Cette croix de sang sur un voile, on l'a vue partout où les hommes souffraient, partout où les hommes mouraient. Pendant ces 6 dernières années, elle seule a pu apporter bien souvent la consolation et l'espérance. Aujourd'hui, pour faciliter le retour des prisonniers, elle a établi jusqu'au cœur de l'Allemagne des postes routiers où les libérés trouvent les premiers secours. Elle a créé ces stations où les enfants des familles déportées, et il y en a, trouvent le lait qui leur a longtemps fait défaut. À Paris, au centre de rassemblement des libérés, la gare d'Orsay, elle a pris en main l'organisation sanitaire. Chaque libéré y passe à l'arrivée une visite médicale approfondie qui se termine par une radiographie. La tuberculose a en effet trop souvent trouvé un terrain favorable dans ces organismes débilités. C'est pour cela qu'elle a installé 17 sanatoria où sont reçus, soignés, gardés jusqu'à rétablissement complet les malades de tout degré. Après avoir facilité leur retour au pays, la Croix-Rouge va faciliter leur retour à la vie. Ce film d'actualité, Jonathan Koons, se situe juste après la Deuxième Grande Guerre mondiale. Ça nous donne l'occasion de parler de l'action de la Croix-Rouge. Comment résumer cette action après la Deuxième Guerre, mais pendant la Deuxième Guerre mondiale? C'est une période qui va être difficile pour la Croix-Rouge. Effectivement, c'est une période très difficile. Donc, c'est la plus grosse guerre que l'humanité ait connue. Et c'est une guerre qui a poussé les limites de la Croix-Rouge. Puisque la Croix-Rouge, donc, elle avait pour seule protection les conventions de Genève d'avant la guerre. Et donc, du coup, elle n'avait pas de mandat légal pour s'occuper des civils. Et la Croix-Rouge aussi n'avait pas... Que des prisonniers et des blessés de guerre, des blessés militaires. Donc, à l'époque, il y avait deux stratégies. Il y avait la stratégie de Bomber Harris, qui était donc de casser le moral de la pays adverse en bombardant les civils. Donc, ce sont tous les gros bombardements massifs qu'il y a eu en Allemagne. La Croix-Rouge essayait d'expliquer qu'il ne fallait pas tirer sur des civils, mais il n'y avait aucune base légale. Puis... pire que ça, la stratégie nazie avec la solution finale, où là on déportait les juifs, les homosexuels, les tziganes, les opposants politiques, etc., etc. Donc là, ça a vraiment retranché la Croix-Rouge dans ses limites. Donc, et qu'a fait la Croix-Rouge? Je sais que ça a été un débat à la fin de la guerre. Est-ce que la Croix-Rouge savait? Que savait la Croix-Rouge sur cette machine à extermination nazie? Aurait-elle dû intervenir ou pas? Alors, avec le recul, oui, la Croix-Rouge savait, puisque la Croix-Rouge avait un service de renseignement, d'information qui était assez important, donc bouche à oreille, donc ils savaient ce qui se passait, mais ils voulaient observer par eux-mêmes. La difficulté, c'est que autant les Allemands et les Japonais respectaient le droit à la lettre, mais quand il y avait un prisonnier civil, il n'y avait pas de base légale pour visiter. Donc la Croix-Rouge devait rentrer en négociation. Et là, c'est un reproche qui est sorti contre la Croix-Rouge après la guerre en disant que vous n'avez pas été assez efficace. Cependant, pendant la guerre, la Croix-Rouge a fait moult et moult manœuvres pour pouvoir visiter des camps. Donc les camps de prisonniers, ils n'ont pas eu trop de difficultés, à part qu'au Japon, c'était autre chose. Mais les camps de déportation, ça a été vraiment difficile à visiter. Et quand même, ils ont réussi à en visiter quelques-uns, les Allemands avant, nettoyer les camps, rendaient des camps beaucoup plus beaux que ce que c'était, afin que la Croix-Rouge en sorte avec une idée différente. Donc c'était aussi une histoire de com'. Mais a-t-il eu aveuglement volontaire, pour faire simple? Je ne dirais pas qu'il y a eu d'aveuglement volontaire. Je dirais que la Croix-Rouge a tout mis en œuvre en fonction des moyens qu'elle avait pour aller pouvoir visiter un camp. Donc maintenant, remettez-vous, il faut essayer de se remettre dans la place de la personne à l'époque. Vous n'avez pas de base légale, vous allez dans un camp qui est aussi bien armé qu'une base militaire, avec des gens qui ont un fusil, puis dire, je vais aller visiter ta prison. Le type en face a un fusil. Donc c'est un peu difficile à ce niveau-là. Après, en termes de dénonciation, malheureusement, ce n'était pas la politique de la Croix-Rouge de dénoncer ouvertement, aussi ouvertement. Donc là, c'est un des reproches qu'on aurait pu leur faire. Mais s'il y a eu dénonciation, ils n'auraient plus pu visiter les autres camps de prisonniers à côté. Et ça, c'est l'équilibre à atteindre. Puis on va y revenir dans une minute ou deux avec les fameux French Doctors à l'occasion de cette famine au Biafra. Mais neutralité qui permet à la Croix-Rouge d'entrer un peu partout. Mais il y a des gens qui disent, mais à un moment donné, il faut dénoncer. Ce que la Croix-Rouge ne veut pas faire, refuse de faire pour pouvoir avoir accès à tous les sites. Un mot quand même sur l'après-guerre et la création de l'ONU, parce que ce sera important. Il y aura un impact important pour la Croix-Rouge, parce que la création de l'ONU, c'est la création d'organismes humanitaires onusiens. Il y a comme une compétition, là. Comment la Croix-Rouge s'ajuste à ça, Jonathan Coulthe? Donc, la Croix-Rouge est prête à avoir des partenariats et prête à travailler avec un différent nombre d'acteurs, donc des acteurs étatiques et non étatiques. La différence fondamentale entre l'ONU et la Croix-Rouge, c'est que la Croix-Rouge est quand même apolitique. Donc, en tant qu'organisme apolitique, ils ont adopté les 4 conventions de Genève de 1949, qui est en fait le droit humanitaire international d'aujourd'hui. Ces 4 conventions ont pour but de répondre aux limites de la Croix-Rouge durant la guerre. Donc on peut visiter des civils maintenant. En gros, ce sont les conventions qui vont vraiment créer un droit dans la guerre et un humanisme dans la guerre, si vous me permettez l'expression. L'ONU est nécessairement un organe politique, puisque ce sont les États qui vont décider, qui vont voter. Si ça passe au Conseil de sécurité, il va y avoir un droit de veto, qui est probable ou non, qui peut être utilisé ou non. Donc les décisions de l'ONU sont toujours motivées par des intérêts politiques et d'intérêts démocratiques au sein de l'organisation. Donc la Croix-Rouge et l'ONU vont souvent travailler de pair, proposer des moyens, proposer des expertises. Mais en somme, c'est finalement la Croix-Rouge, elle voit ça comme étant des moyens en plus d'aller aider des victimes, des moyens en plus d'aller aider des personnes qui souffrent de la guerre, qui souffrent de catastrophes naturelles, entre autres. Bon, alors on va venir justement à cette question de la famine du Biafra en 68, ce que ça va poser comme difficulté pour la Croix-Rouge, parce que déjà avec la guerre froide, les guerres de décolonisation, il y aura une dimension supplémentaire. La Croix-Rouge peut intervenir dans un conflit entre deux pays, mais là il y aura un bon nombre de conflits nationaux, intranationaux, ce qui pose un problème pour la Croix-Rouge. Le Biafra, c'est un bon exemple, 68, tournant important. Il y a des travailleurs de la Croix-Rouge, qu'on va appeler les French Doctors, qui décident de continuer de travailler au Biafra parce que la Croix-Rouge décide de plier bagages, qui décident aussi, ces travailleurs, ces French Doctors, de dénoncer la situation politique et humanitaire sur place. C'est le début de cette idée de devoir d'ingérence qui sera portée, entre autres, par Bernard Kouchner, qui deviendra politique, ministre par la suite, qui va créer Médecins sans frontières en 71, Médecins du monde en 80. On écoute Bernard Kouchner à l'émission Résistance, diffusée à Antenne 2 en 1989. Et pour prévenir, il faut parler, il faut témoigner. Pas toujours, je le répète, mais lorsqu'il n'y a pas de témoin, il faut que nous soyons le porte-voix des gens qui n'ont plus de voix. Maintenant, c'est accepté. Il y a 20 ans, c'était une révolution. Et à l'époque, bien sûr, nous savions. Moi, j'étais hanté par Auschwitz. Pourquoi la Croix-Rouge n'avait pas parlé? Pourquoi la Croix-Rouge ne parlait pas devant le phénomène monstrueux du Biafra? Était-ce la même chose? Et je ne voulais pas qu'un jour, mes enfants ou n'importe qui m'accusent de m'être tué à ce moment-là. Je vais vous dire quelque chose de plus sinistre encore. Je crois que la Croix-Rouge internationale a rendu un grand service à l'humanité en ne révélant pas les camps de concentration. Parce que personne n'aurait rien fait. Alors ça a soulagé la conscience universelle, car il s'en passe des massacres en ce moment. Et personne ne dit rien, ou même quand on le sait, on ne fait pas grand-chose. Et c'est pourquoi, pardon, encore un mot, je suis assez fier que la France ait présenté aux Nations Unies une résolution portant accès aux victimes des catastrophes naturelles et des situations d'urgence de même nature. Ça, c'est la nouvelle génération de l'action humanitaire qui a été entraînée par les French Doctors. J'espère aussi que pour la mission du bicentenaire, nous allons, enfin pour la mission, dans l'année du bicentenaire, des millions, des dizaines de millions de personnes, Français et autres, vont signer une déclaration universelle du droit d'assistance humanitaire. Cette nouvelle génération d'humanitaires, comme le dit Bernard Kouchner, toute cette notion du droit d'assistance humanitaire, du devoir d'ingérence, Jonathan Kuntz, c'est un peu la révolution, pour la Croix-Rouge certainement en tout cas. Qu'est-ce que ça pose comme problème? Qu'est-ce que ça va vouloir dire pour la Croix-Rouge? Il y a tant de choses à dire, mais en réalité, je dirais que ce n'est pas un problème. Ça porte plus une solution. Ça porte une complémentarité. Aujourd'hui, vous avez la Croix-Rouge qui a un devoir de neutralité et qui va ne pas dénoncer. Elle est bien sûr protectrice du droit international humanitaire, mais elle ne va pas dénoncer. Les mouvements, tout ce qu'on appelle le mouvement sans frontiériste, donc Médecins sans frontières, Médecins du monde notamment, eux vont avoir tendance à dénoncer les crimes de guerre, à dénoncer les souffrances, etc. L'avantage que ça a, c'est qu'il faut penser d'abord à la victime. La victime, elle, avec un mouvement qui ne dénonce pas, vous êtes sûr qu'ils peuvent agir en tout temps, qu'ils peuvent agir partout, et qu'il n'y aura pas de répression contre ce mouvement-là. Donc il va y avoir une confiance entre l'oppresseur, la guerre, enfin les militaires, etc., et la Croix-Rouge. Donc la Croix-Rouge va pouvoir venir intervenir. De l'autre côté, le fameux respect de la Croix-Rouge. La neutralité. Ouais. On respecte la Croix-Rouge, on a confiance en elle parce qu'elle est neutre, ouais. Parce qu'elle ne dénonce pas. De l'autre côté, le Médecins sans frontières, lui, l'avantage, c'est qu'il va pouvoir dénoncer. Lui, il peut dénoncer, et c'est quelque part son fonds de commerce. Donc on va arriver, on va porter des médicaments, on va créer des hôpitaux, mais on va dénoncer. Et là, le monde entier va être au courant de qu'est-ce qui se passe. Donc aujourd'hui, il faut penser en tant que victime. La victime, elle sait que Médecins sans frontières va pouvoir crier au monde qu'est-ce qui se passe. Et elle sait que la Croix-Rouge va pouvoir l'aider. Le problème de Médecins sans frontières, donc là, il faut avoir une pensée pour en ce moment, parce que depuis fin 2015, ils ont eu 3 hôpitaux qui ont été bombardés dans le monde, avec des médecins qui ont été tués, des bénévoles qui ont été tués. Comme ils ne sont pas neutres, ils sont ciblés. Ils peuvent être ciblés. Ils sont heureusement pas ciblés dans tous les cas, mais ils sont principalement ciblés militairement, ou alors ils sont expulsés des territoires où il y a des guerres. Si les combattants sont de bonne foi, ils vont le laisser sur le terrain pour aider les populations civiles, aider les prisonniers, aider tout ça. Mais c'est une organisation qui risque d'être virée. Donc finalement, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est d'avoir la complémentarité des deux niveaux. Il faut toujours penser, non pas en tant qu'organisme, il faut penser en tant que bénéfice pour la victime. Jonathan Kuntz, spécialiste en droit international humanitaire, chargé de cours à l'Université de Sherbrooke. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci à vous. Merci. Merci également à Mathieu Beauchamp, la réalisation de l'émission, les recherchistes Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Chantal Benoît. Si vous avez envie d'écouter ou de réécouter nos émissions, abonnez-vous à notre balado-diffusion sur iTunes ou rendez-vous sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire. Ici Jacques Beauchamp. À la prochaine.